Je ne pourrai jamais te faire croire qu'il ne fera plus jamais froid. Je ne te donnerai même pas l'espoir. De toute façon, tu n'en veux pas. Tu ne me souriras pas ce soir. Demain matin, je n'y compte pas. Tes yeux bleus se couvrent de noir. Et ça n'est pas du cinéma. Oui, mais je reste planté là. Comme tes deux chiens et leur passion. Et pourtant là, c'est mes deux bras. À ton entière disposition. Ma gueule te revient pas. La chambre sera ton isoloir. Et tu n'attends plus rien de moi. Je ne te propose pas de mouchoir. C'est inutile, tu ne pleures pas. Plus rien ne peut plus t'émouvoir. Car désormais plus rien ne va. Oui, mais je reste planté là. Comme tes deux chiens et leur passion. Et pourtant là c'est mes deux bras. À ton entière disposition. Nos beaux discours sont illusoires. Mieux vaut me taire dans ces cas-là. De toute façon, tout est provisoire, j'ai pu l'observer quelquefois. Je t'ai blessé sans le vouloir, et demain tu me pardonneras. Tu m'as tué sans le savoir, mais demain j'oublierai tout ça. Et je resterai planté là, comme tes deux chiens et leur passion. Et pourtant là, c'est mes deux bras, à ton entière disposition.